Sophie Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, psychologue du travail. Comment gérer le stress au quotidien dans le monde du travail ? Peut-être que la première chose est déjà d'identifier qu'on est stressé, c'est-à-dire se baser peut-être sur des signes physiques. Est-ce que j'ai plus souvent mal au dos, plus souvent mal à la tête? Peut-être des signes psychologiques. Est-ce que je m'énerve beaucoup plus souvent? Est-ce que je suis impatient, agacé? Ou peut-être d'autres troubles. Est-ce que j'ai besoin d'augmenter une consommation de tabac, d'alcool? Ou est-ce que je mange plus? Voilà. Donc identifier déjà le stress. Voilà. Et après, on fait quoi? Et une fois que je l'ai identifié, je vais essayer de comprendre ce qui me stresse. Donc essayer d'identifier le stresseur. Est-ce que c'est une surcharge de travail? Est-ce que c'est un responsable qui critique? Par exemple, voilà. Une fois que j'ai identifié, c'est de faire la part des choses. Est-ce que j'ai une prise là-dessus? Oui ou non? Si j'ai une prise là-dessus, je vais tenter de modifier ces conditions de travail. Je peux peut-être exprimer mon ressenti. Pour reprendre l'exemple du chef, essayer, alors en communication non violente, bien évidemment, d'échanger, de voir comment on peut communiquer autrement. Et si je ne peux pas modifier les conditions de travail, je vais gérer mes réactions physiologiques. Et là, la respiration est vraiment un bel outil. C'est ça. Alors, quand vous dites en communication non violente, c'est-à-dire ne pas accuser l'autre et dire ce qu'on ressent? Exactement. Alors, communication non violente ou affirmation de soi, ce sera la même base. Je pars de mon ressenti. Voilà. Quand vous me dites ça, alors on n'est pas sur l'accusation, mais on part sur du fait. Quand j'ai entendu ça en réunion, j'étais en colère parce que j'estime que c'est injuste ou que j'ai pas de reconnaissance sur le travail que je fais. Sophie Morin, vous avez parlé de la respiration. C'est quoi justement cette respiration qui permet entre guillemets de déstresser? Alors ça va être l'inverse de la respiration quand je stresse. Quand je stresse, j'ai tendance à prendre beaucoup d'air. Je vais donc faire l'inverse, c'est-à-dire je vais souffler, me poser, souffler, idéalement si je peux avec le ventre. Donc quand j'inspire, le ventre se gonfle un peu et j'expire en rentrant le ventre. Et quand on fait cet exercice de respiration, justement, ça permet d'évacuer le stress? Disons que physiologiquement, je déclenche une détente dans le corps. Ça va au moins me permettre de ne pas augmenter mon niveau de stress. Merci Sophie Morin.